qui est ok, c'est du GTA, de Paris Sud au Canada. Zone de choc, catastrophe naturelle, ok. Catastrophe naturelle, c'est le départ comme de l'Indonésie. L'euthanasie, sauf qu'est-ce qu'un temps on a devant un ou deux nazis. Plein de mazout, la mer est dangereuse pour tous les pooping goose de la banquise. Mais la KNK met en guise de gros flics. Paris s'y couse, le sommeil est perturbé par de grosses secousses. Des paresseux courent vite, le soleil tu crées au secours. Dans le GTA, on cause des ravages, Starly tsunami. Esquire sous la main, même orageux, je suis fier d'être son ami. Dans le rap, ça se bouscule et ça transpire, ouais, comme ouragan. La tente de se bascule, fou une tempête et moi un ouragan. Ou si on tourbillon, c'est sans scrupule ou bien un raz-de-marée. La guerre du temps, et si ça continue, eh bien on est mal barré. Délaissé dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne sans pour les décès d'Indonésie. Inondation d'Indonésie. Catastrophe naturelle. La tornade en Californie. Catastrophe naturelle. Nous sommes délaissés dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne sans pour les décès d'Indonésie. Le tremblement en Algérie. Catastrophe naturelle. La montée de peine à Paris. Catastrophe naturelle. Et on voit que j'ai honte, voit que j'ai honte. J'ai peur et c'est ma vie que je hante, que je hante. Voyant les gens ramant face à la vague, j'ai honte, vague, j'ai honte. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le monde. À cause de ça, des pères n'auront plus l'eau qu'à se border leurs mots. Le mal nous sert, il nous jette un mauvais sort éternel. Non. Moi j'ai pris goût à la vague en surfant sur internet. Pendant que certains pour gagner de l'argent très vite veulent une idée. Vrai mieux de se soucier de ceux qui coulent dans une ville inondée. Sans délaisser dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne les sangs pour les décès d'Indonésie. Je rêve d'un monde en paix mais on peut pas, car on voit trop d'armes. Je dédicace le petit qui a survécu sur un tronc d'arbre. Sans délaisser dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne les sangs pour les décès d'Indonésie. Inondation d'Indonésie. Catastrophe naturelle. La tornade en Californie. Catastrophe naturelle. Dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne les sangs pour les décès d'Indonésie. Le tremblement en Algérie. Catastrophe naturelle. La montée de peine à Paris. Catastrophe naturelle. Vu le monde dans lequel on vit, je déteste l'humain en ville ovni. Je rêve de vivre à 2005 d'ici, me faire pote à du chauvenu. À l'abri de rien, même de la mer, en raid aérien. Je roule sans assurance car rien ne m'assure contre le tourisme. Regarde tout stade, une tornade en scène, le twisto côte. Sous les palmiers de la Floride, extermine comme l'Holocauste. Des tremblements de terre, escalade de Maurice Terre sans harnais. Une en perso pour l'Algérie, un des pays concernés. Les familles, vu que de la famille, c'est familier, des gosses qui meurent parmi 100 000 sous manque de vitamines. Le monde est enchanté, la misère chante, j'étais à sa charme, le monde se meurt, les secours de fond des stats. Je me sens délaissé dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne les sangs pour les décès d'Indonésie. Inondation d'Indonésie. Catastrophe naturelle. La tornade en Californie. Catastrophe naturelle. Je me sens délaissé dans le 140 qu'il allait de Tanusie. Mais ce qui ne dessoudonne les sangs pour les décès d'Indonésie. Le tremblement en Algérie. Catastrophe naturelle. La montée de peine à Paris. Catastrophe naturelle. Naturelle.